Exercice 1, page 67. A. Faux. Faux. B. Veux. Vaut. C. Be. Beau. D. Peau. Peau. E. Creux. Croc. F. Saut. Saut.